Non, mais c'est amusant parce que l'Espagne, c'est pas le cas. En Espagne, il va pas neiger, il va pas. Il va y avoir des températures fraîches, mais pas aussi fraîches qu'en France. Bon, c'est clair que ce sera pas aussi frais que chez vous, mais sinon. Mais. Des fois, on tombe, par exemple, à l'été de l'hiver dernier, on tombait à. Enfin, c'est beaucoup, on est arrivé à moins de. Bonsoir à Casa. Bonsoir. Il a des questions. Tant que toi. J'ai découvert. Oui. Ah, je suis content là. Que. S'ils mettent en place le gouvernement mondial, oui. Ils veulent le positionner à Jérusalem. À Jérusalem. Ah, tu as découvert ça dans la Bible? Non. Comment tu as découvert alors? Sur Internet. Ah, ok. Bah, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que Jérusalem a de particulier? Et, ouais, a de particulier. Mm-hmm. Et forcément, qu'est-ce que Jérusalem. Comment dire enfin, quel regard Dieu a sur Jérusalem? Oui. Parce que je me dis, est-ce que la personne qui en parle, il dit, oui, je vois bien le gouvernement mondial à Jérusalem. Mm. C'est une belle ville. Mm. Alors qu'ils sont en plein dans la guerre. Dans la guerre. Donc, l'être humain classique, il va regarder ça et dire, non, mais qu'est-ce qu'il a con. En fait, Dieu appelle. Israël le plus beau de tous les pays. Moi, la citation là dans la Bible m'a toujours étonné. On va voir tout à l'heure là concernant la Russie, la Chine, tout à l'heure là maintenant. Si tu veux, on va voir. Et tant qu'à parler de pays et de continents, c'est au travers bien sûr de films, mais je suis profondément convaincu et nos grandes élites là, ils le savent, aux yeux de Dieu, le continent africain. Ils savent, n'est-ce pas? Voilà. Quoi exactement, je ne sais pas. Ça peut être du genre l'Europe, les États-Unis, tout ça, balayé. Continent africain. Préservé. On le préserve. Ça peut être dans ce sens-là. Je ne sais pas exactement. Mais c'est quelque chose que je ressens aussi. Tu seras surpris quand tu vas lire vraiment les prophéties de la Bible. Hein? Et je ne serais pas étonné. Parce que s'il y a bien un peuple, un continent. Qui est toujours moqué, critiqué, africain. Oui. J'ai été dedans, hein. Oui. Je ne veux pas dire le contraire. Mais, et ça continue encore. Hein. Mais l'africain, c'est des sorciers. Oui, effectivement. Mais en Europe, c'est pas mieux. Oui. L'africain, il est bête, etc. Alors, effectivement, il n'y a pas la même culture, il n'y a pas la même éducation. Il y a forcément un décalage. Oui. C'est vrai que l'africain, il a du mal à vouloir faire les choses. C'est-à-dire que ça, souvent j'ai entendu dire, si on veut que dans un pays une entreprise tourne bien, il faut absolument qu'à la tête il y ait un occidental. Si, je ne sais pas comment tourne le Maroc, mais c'est vrai que un occidental pour arriver, dire à l'Africain, voilà, écoute, je te montre pendant un an, deux ans, bon allez, je te laisse maintenant. Et ça finirait par sombrer. Et c'est pas une question d'Africain, c'est une question de culture. Puisque moi j'ai connu un Africain qui a vécu en France, et il était derrière les ouvriers. J'étais surpris, c'était des chauffeurs. Oui. Ils livraient. Il me dit, je suis derrière eux, parce que je les connais, ils vont s'arrêter au coin de la rue, ils vont aller boire un coup, et moi je qui livre là. Moi je l'ai regardé, je commence à discuter avec lui. Il me dit, j'ai vécu au Havre. Ok, j'ai compris. La culture. Donc c'est pas pour dénigrer. Ouais. Mais en tout cas, pour faire simple et revenir à deux choses, Jérusalem, il y a un truc, et le continent africain, je... Voilà. Tu veux qu'on voit cela dans la Bible? Ah, amen mon frère, si tu veux. Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre... Dans la Bible, on parle de Jérusalem 772 fois. Jérusalem. Waouh! Jérusalem. 772 fois. Donc, c'est un sujet gros, vraiment qui tient au cœur de Dieu. Mais tu sais combien de fois on parle de Jérusalem dans le Coran? Non. Zéro fois. Waouh! C'est un paradoxe. Waouh! Bon, on va toucher le sujet de Jérusalem. On va parler un seul instant dans une des parties ici. On va parler de. l'objet de la dévotion du Seigneur. Jérusalem. Donc, on va lire quelques passages là. Selon Jérusalem est vu comme un objet de dévotion. Oui, ça tient, Jérusalem tient au cœur de Dieu. C'est plein dans la Bible. Pendant que je viens de parler là, ça bouscule dans mon esprit là. Comment saisir. Voilà, ok, merci Père. Allons dans le livre. J'ai dit quel livre déjà? Ésaïe 19. Non, Ésaïe 19, parce qu'on va y revenir en plein passage de prophétie. Allons dans le psaume. C'est un mot qui est fort, hein. Ouais. Enfin, un mot, un objet de dévotion. Ouais. Psaume combien, frère? Notons d'abord le psaume. Oh, c'est plein, hein. Note le psaume 121. Et puis, tu y es. Psaume 121, nous on va. Oui, oui. J'y suis. Lis un peu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oui. Qui a fait les cieux et la terre. Oui. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oui. Celui qui te garde ne sommeillera point. Oui. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Oui. Je suis celui qui garde Israël. Oui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Non. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ouais. Alors, le psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui. Elle ne chancelle point. Oui. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Oui. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Oui. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons. Oui. Et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Shalom Israël. Alors nous commençons à voir à partir de là, nous commençons à voir vraiment comment Dieu prend la comparaison en disant qu'il dit des montagnes entourent Jérusalem. Pour dire qu'il y a la protection sur Jérusalem. C'est encore plus grand. Alors dans le livre d'Isaïe, c'est plein là, plein. Ésaïe. Toujours le 19? Non, pas le 19 cette fois-ci. Chapitre 60. 60. Lisons partie du verset 1. Chapitre 60 d'Ésaïe. On va noter, on va aussi lire le chapitre 62. Mm-hmm. C'est ce fort, ouais. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en moi. Tu vois, ici on prophétise, même jusqu'à on prophétise l'époque où ça va avoir lieu. On commence à prophétiser que c'est une époque où il y a de l'avion. Là, dans ce passage, et il dit que quels sont ceux-là qui volent comme les colombes à leur colombier. Donc, on avait parlé de là, initialement, Israël est saccagé au point où le peuple d'Israël est dispersé. Ici, ils prophétisent qu'ils vont revenir dans leur pays, même voler comme les avions. Il parle quoi d'Israël là? Absolument, c'est de ça, c'est de lui dont on parle depuis là. Il dit, c'est de là où les îles espéreront en son loi lorsque Israël sera dans son pays et que le Seigneur est sorti de là. Donc nous voyons effectivement qu'il pose la question au verset 8, il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? C'est quand même terrible le langage. Le prophète n'a pas la terminologie avion. Il n'a pas la terminologie des avions. Il sait exactement comment ça vole, exactement comme l'avion. Il dit, mais comment ils peuvent monter sur le colombe? Il regarde, là, il dit, la seule façon de faire, pourquoi puisque c'est ça, c'est comme les colombes volent dans les colombiers. Les colombes volent dans les colombiers. Donc ça, c'est, nous voyons ici, en 1948, la déportation des Juifs, faire rentrer en masse dans leur pays. Il parle des troupeaux de Kedar, se réunir tous chez toi, les béliers des Nabéjot seront à ton service. Vous voyez? Donc Israël est retourné dans son pays. Pourquoi? Parce que Dieu a désigné Israël, le lieu de Jérusalem, comme la ville de gloire. On va rencontrer ça tout à l'heure. Continuons encore, c'est toujours bien là. On va prendre. Oh là, c'est beaucoup. Chapitre 40. Donc là, toujours Esaïe? Oui, Esaïe, toujours. Chapitre 40, à partir du verset 9 et suivant. C'est beaucoup. On va seulement prendre des fois d'autres comme ça. Au chapitre 40, on partira au chapitre 43. Alors, 40. Chapitre 9. Monte sur une haute montagne. Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Une rétribution le précédant, comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme, et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Voilà. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Voilà. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? C'est bon. Chapitre 43. On va les voir partout là. Désaïe toujours. Verset. À partir du verset 1 jusqu'au verset. Verset 5. 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ils ne te submergeront point. Oui. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramène de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion, donne et donne-leur. Exact. Mais quand on parle d'Israël, oui. C'est Jérusalem? Non, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et Jérusalem, donc, est le lieu où Dieu a fait désigner pour y faire résider son nom, là où le temple sera bâti. On peut avancer au chapitre 62 maintenant. Chapitre 62. Oui. Chapitre 62 du prophète Esaïe. Verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos.

et il en sera ainsi été et hiver. Oui. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Oui. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon. Au midi de Jérusalem, Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Ça sera la prophétie sur Jérusalem. Continuons. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Leur saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. Ouais. L'or, l'argent et les vêtements, très grand nombre. C'est plein là, c'est plein dans la prophétie là-bas. Il va même plus loin jusqu'au verset 18 en disant que si une famille ne monte pas en Égypte, la pluie ne tombera pas sur son pays, à cause du fait qu'il n'est pas honoré Israël. Au chapitre 12, le verset 2 et 3. Chapitre 12. Toujours dans Zacharie. Dans Zacharie. Oui. Voilà. Suis ce qu'il dit là. À partir du verset 1. Oui. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Tu as vu ça? Donc, quand je vois dans les Nations Unies, les gens font des résolutions sur Jérusalem, diviser Jérusalem, j'ai ri. J'ai jamais fait attention à tout ce qu'ils font autour de Jérusalem. En fait, le vrai problème du monde, tout le problème qui se trouve dans le monde, c'est à cause de Jérusalem. Tous les problèmes, sans exception, c'est à cause de Jérusalem. Le monde souffre comme ça, c'est à cause de Jérusalem. Parce qu'en réalité, il y a un conflit sismique entre le bien et le mal concernant ces lieux-là. Tout à l'heure, on va y aller, on va encore rentrer dans Isaïe. Regarde, il dit, voici, je ferai, et c'est Dieu qui le dit, il dit, ainsi parle l'Éternel, c'est l'oracle de Dieu, c'est l'Éternel, celui qui a formé l'esprit au-dedans de lui. Il a donné une signature, il dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Quand on dit une coupe d'étourdissement, en fait, la coupe, quand quelqu'un est étourdi, c'est quand tu bois, par exemple, du vin. Tu bois le vin et puis ça te saoule. Oui. Donc, ça veut dire qu'il va faire, il a dit qu'il va créer des problèmes entre les hommes ici. Concernant Jérusalem, au point où les gens ne sauront plus dans quel sens mettre la tête. On a vu des résolutions prises. Kofi Annan est venu, Ban Ki-moon est venu, tous les autres des secrétaires des Nations Unies sont venus proposer. Bill Clinton est venu faire des arrangements avec Yasser Arafat. Mais il suffit d'un caillou, d'un Palestinien sur les casques d'un soldat israélien pour que, boum, ça recommence. Il suffit de cela, que ça recommence. Donc le moment arrive encore une fois de plus où toute l'attention du monde sera focalisée au Moyen-Orient. En fait, Jésus lui-même en parlant a donné le signe de son avènement en comparant, en prenant l'exemple au Moyen-Orient. Donc ici il dit quoi? Voici je ferai, verset 2, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. C'est quand même curieux, si on avait la carte géographique ici, nonobstant du fait qu'il y a certains groupuscules maintenant qui parlent que Jérusalem c'est en Afrique, c'est celui-là. Nonobstant du fait que Israël, si nous prenions une carte moderne d'Israël, ça serait amusant. Israël est entouré totalement des Arabes, c'est surprenant. De l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, c'est entouré des... C'est que des pays arabes. Des pays arabes. Et ils forment une ligue arabe contre Israël. Mais jamais ils ne bousculent Israël, c'est étonnant. Ça te fait réfléchir aussi, toi? Oui, effectivement. Après, c'est vrai que j'ai jamais prêté attention donc à la politique, on va dire, du Moyen-Orient et de Jérusalem. Après, je peux concevoir que personne ne va attaquer Jérusalem, et ça peut être éventuellement le travail de Dieu. Mais quelle est leur réflexion pour ne pas aller attaquer Jérusalem? Parce que Dieu, effectivement, il travaille, mais qu'est-ce qu'il met dans la tête pour qu'ils n'aient pas la tête sur Jérusalem? parce qu'ils étaient pressés que l'ancien chef d'État de Jérusalem décède quand même. Oui. Ils étaient contents quand il est... Arrête, Sharon. Quand il a fini par... Le premier ministre israélien, qui était dans le coma là. Oui. Donc nous voyons effectivement la carte d'Israël là, Israël. Voici Israël entouré, il y a la Jordanie de ce côté-ci. Nous voyons le canal des Suez ici, où il y a chaque fois des combats. Voilà, et le Caire de l'autre côté là-bas. En bas, nous voyons au sud là, nous voyons ici, oui, les pays arabes. Là, au nord. Il faut savoir que depuis... Le Liban, ainsi de suite, Amman, Chypre. Alors, on a toujours eu des pieds au Liban, non? Oui. Et depuis un peu plus. Depuis un an et demi, ouais. Oui. On a mis et puis en Jordanie. Oui. Pourquoi? Pour faire le tour, tout le n'est-ce pas? Ben, c'est pour les missions. Ouais. Oui. Alors, c'est pour être proche de. Mince. Parce qu'en fait, c'est pas Israël. Hein. Ils disent pas que c'est Israël. Mm-hmm. C'est pour être proche de. Je ne sais plus si c'est l'Afghan ou si c'est l'Irak. Mais on s'est positionné. L'Afghanistan. Mais c'est stratégique, les postes militaires stratégiques. Oui. Oui, mais moi ce que je constate, c'est que comme par hasard, on est aussi quand même collé à Israël. Non, c'est à l'Israël, c'est Israël qui a le problème. Je vais te le montrer, c'est là. C'est Israël le problème. Puisque maintenant, avant je me disais, tiens, si une armée est là, c'est pour, je sais pas, le pétrole, le gaz, peu importe, des ressources naturelles. Oui. Et puis souvent, on s'apercevait que je sais pas si la France envoyait des. Si la France disait, tiens, on va là, on s'apercevait qu'il y avait des entreprises françaises, par exemple. Ok, très bien. Et puis c'est vrai que c'est ce qui se dit facilement. Mais finalement, je pense que c'est plutôt justement par rapport à Dieu que tout ça. C'est des excuses en fait. Oui, le pétrole, c'est entre guillemets des excuses. Oui. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai vu ça ce matin. J'ai vu Jacques Attali qui c'était en 2000. Plus quand. Il déroule les plans. Bref. Il est invité dans une émission pour un livre qu'il a sorti. Mmh. Et on lui dit, ah, pour une fois, vous avez sorti un petit livre. Oui. Il fait, et non, celui qui mène l'émission, qui est homosexuel, oui. Parce que ça aussi, hein, c'est quoi? Je me rends compte que l'homosexualité, elle est arrivée un peu de partout, l'image. Oui. Bref. Et il lui dit, bon, il lui dit, ah, vous aviez prédit... une crise économique en 2009 et puis il dit ben non finalement c'est arrivé en 2007 ou 2008 mais ça venait d'arriver et en fait il explique il dit oui mais c'est normal c'est parce que voilà on a dit aux Américains que même s'ils n'avaient pas d'argent ils pourraient quand même acheter leur maison enfin, il explique les histoires de crédit de ce qu'ils appellent les subprimes. Et là, un des deux journalistes dans cette émission, il y a deux journalistes qui. Il y a celui qui mène l'émission, mais il y a toujours deux personnes qui sont là. Et qui sont là, mais pour. C'est souvent le cas, attaquer la personne. Dire oui, vous avez titillé la personne. Voilà. Et là, ils lui disent, à un moment donné, il y en a un qui. Alors déjà, celui qui mène l'émission, tu lui dis, ah, il dit, mais vous êtes un prophète, vous aviez prédit qu'il y avait des problèmes économiques, et puis c'est arrivé. Dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il avait prédit ça parce que c'était. Ce sont des choses qui se préparent. Qui se préparent. Dans ça déjà. Et là, un des deux journalistes lui dit, mais il lui dit, vous faites venir les étrangers, les immigrés, là, vous les faites venir sur un théâtre, sur un théâtre, sur un dans un État, pour empêcher. Les salaires de monter. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis français, on a plus d'employés. Mon salaire ne va jamais augmenter, il va toujours rester stable, parce qu'ils font venir donc, tous ces immigrés. La main d'œuvre. Et comme la main d'œuvre. Parce que vous faites venir un immigré, que ce soit un Africain ou même un Roumain, lui, vous lui dites travaille pour 1000 euros, il va dire oui. Déjà, 1000 euros, il ne sait pas ce que c'est dans son pays. Oui. Comme quand je demandais à Francis, je lui dis c'est quoi le salaire moyen ici, ça équivaut à 250 euros. Oui. On dirait un Marocain qui vit ici depuis longtemps et qui a connu le travail ici, on lui dit je te propose 1000 euros dans son tout esprit. Donc si le Français, lui, il travaille à 1500 euros parce que c'est ce qu'il faut pour vivre en France, et forcément c'est tu. Et donc il explique ça. Ça l'a tellement braqué. Parce qu'il n'a pas pu trop se défendre. Voilà. Il a quitté l'émission. Bah, c'est un tenant sur le plateau. Il a quitté sur le plateau. Il a quitté. Parce qu'on a touché là où il ne fallait pas toucher quoi. Voilà. En fait, on connaît déjà tout ce qu'ils sont en train de travailler. En fait, dès qu'on commence à mettre en avant les plans, oui. Ce qui nous on dénonce les plans. Qu'on dénonce les plans, tout de suite, boum, mais ça, entre guillemets, ça fuit. J'ai vu une interview de Rothschild. Oui. Bon, je ne connaissais pas du tout son visage. Mais tout ça, c'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Oui. Et là, en fin de compte, ils sont tellement dans leur monde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent « Oh tiens, on va faire ça, tiens, on va faire ça. » Ou puis quand ils font leur oligarisme et tout. Et finalement, ils s'est retrouvé confronté à quelques questions et il n'arrivait pas à... Il ne sait pas ce que c'est de se défendre. Parler, ouais. Parce que pour lui, il n'a pas à se défendre. Mm. Ils sont tellement sûrs de ce qu'ils font. Mm. Ils sont tellement les maîtres. Oui, puisqu'ils contrôlent tout média, chaîne des voilà, et suite. Que là, quelques questions et finalement, la personne, alors, il va... En fait... C'est comme si on lui disait, il y a des gens qui meurent de faim sur la planète et qui diraient non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un peu ce genre de rapport qu'il y a. Mmh. Et donc, c'est, voilà, c'était une parenthèse. Oui. Mais en tout cas, ça serait. Donc, il voudrait aller à Jérusalem. Mmh. Mais la question, c'est quel est le but de Jérusalem ? Lorsque nous comprenons donc les Rothschild avec les groupes de 13, quel est le but qui contrôle dans les ténèbres? Nous voyons clairement que c'est Lucifer qui les contrôle. Oui. Et donc sur le plan physique, il y aura une manifestation physique de Lucifer, oui. Tôt ou tard. Oui. Et là, il y aura des accueils, des infrastructures pour l'accueillir. Oui. La Bible nous dit donc, quand nous avons lu ça hier, où l'apôtre Paul disait dans 2 Thessaloniciens, qu'il ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se fera appeler lui-même Dieu. Parce que le temple qui sera bâti à Jérusalem, Satan viendra s'asseoir là-bas. Parce que les Juifs, en fait, ont rejeté Jésus. Et Jésus avait prophétisé que je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc le Seigneur dit que, comme ils ont rejeté le Christ, ils vont accepter d'abord l'Antichrist. Jésus a prophétisé. Donc ils vont devoir accepter l'Antichrist. Et quand tu suis les rabbins juifs, donner les interprétations des Écritures, l'interprétation chrétienne de l'écriture, on comprend clairement que eux, dans les écritures, ils dénichent l'antichrist comme leur messie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un rabbin juif, le fait que ses ancêtres ont rejeté Jésus, quand il lit la Bible, comme nous avons ici l'écriture, quand il lit l'écriture hébraïque, les passages dont on parle de l'antichrist, c'est ça, il comprend que c'est de Christ dont il est question. Et par conséquent, ils sont voilés pour recevoir l'antichrist d'abord. C'est ce qui est prévu dans les prophéties bibliques. Continuons dans les prophéties bibliques concernant Israël. Allons-y dans le livre de... On va prendre Jérémie maintenant. Jérémie. Alors maintenant, c'est un groupe dit chrétien. Par conséquent, les témoins de Jéhovah, par exemple, rejettent carrément l'existence d'Israël. Ah ben alors, eux, ils vivent sur leur planète. Oui. Moi, je les ai côtoyés. Qui ça, des témoins de Jéhovah? Témoins de Jéhovah. Oui. En France. Oui. Je les ai côtoyés très peu de temps. Mmh. C'est ma femme qui a eu. Ils sont parce qu'ils passent. Oui. Ils passent. Du porte à porte. Oui, ils font du porte à porte. Moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours vu mes parents dire ah, ils sont fous, ils sont bizarres et tout. Oui. Donc, ça aussi, ça reste marqué dans sa tête. Ma femme me dit voilà, il y a une sœur qui vient à la maison, qui m'aide à apprendre à lire et tout, enfin, puis qui me parle. Mmh. Très bien. J'ai rencontré cette personne, mais eux, ils sont. Ils vont prendre que ce qui les intéresse, mmh. Ils vont prendre que le côté bonheur. Oui. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils. Déjà, ils vont jamais parler de. Ils vont surtout parler du comportement. Mmh. Être poli, respecter autrui. Alors, tout ça, c'est vrai. Oui. Tout ça, c'est des commandements. Ils sont sur leur planète. Oui. C'est-à-dire non, ils ont le planète à eux, justement, ils ne préparent le planète. Et puis, je ne peux pas dire exactement, parce que je ne me suis pas trop intéressé à eux, et je suis allé une fois dans leur église, mmh. On est allé avec ma femme. À la salle du royaume. Voilà. Mon Dieu, enfin, voilà, certes, ça ressemble à... C'est exactement le même comportement que... Ah, oui, c'est le même comportement qu'à l'église évangélique, mmh. Sauf qu'au lieu que ce soit des Africains, ben, c'est des Blancs. Mmh. Sinon, c'est toujours le même principe, toujours bien habillé. Alors, soigné, voilà. Mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de... Il n'y a pas toutes ces démonstrations que l'Africain peut faire. Ah, moi je m'en fais à la fin du culte. Tout est régularisé. Voilà, tout est beaucoup plus calme. Et posé. Mais voilà. Après, ce qui mais je me suis aperçu que ce n'était pas non plus le diable, oui. Si on peut dire ça comme ça. Oui. Il y a le pire. Oui. Voilà, écoutez, mes parents, en fait, ils ont toujours été mal vus. Oui. Parce qu'on dit tout le temps, en fait, ils ont toujours fait référence à l'argent. Mmh. Et en fait, c'est comme les églises évangéliques. C'est-à-dire qu'on inculque qu'il faut donner les 10% de son revenu. Mmh. Donc, en fin de compte, quand il y a quelques personnes qui savent que, oh là, ouais, ils donnent de l'argent, ils donnent de l'argent, ah bon, ils donnent de l'argent. Ça commence à être copté. Et donc, ils ont l'impression que c'est que le mal. Mmh. Effectivement, il y a du mal là-dedans. Mais il y a quand même des bases intéressantes chez les témoins de Jéhovah, comme chez beaucoup de pasteurs, etc. Mmh. Il y a quand même du bon. Sinon, je ne serais peut-être pas aujourd'hui devant vous, avec vous, en train Absolument. De parler. Donc c'est pour ça. Mais témoin de Jéhovah, je sais pas comment. Je sais pas s'il y en a en Afrique. Ouais, non, mais ils sont pas tous. Voilà. Alors déjà, parce que. Enfin, le problème, c'est que je peux pas parler de toutes les églises évangéliques en France. Mais je vais dans que dans une, donc je sais pas. Mais déjà, je te l'ai dit l'autre jour. Déjà, un jour, il y a quelques temps, il y a la normation. Le pasteur arrive le dimanche. Bon, mes frères, bonjour et tout, voilà, nous allons parler. C'est fini. Maintenant, nous n'allons plus parler du diable, de l'enfer, je ne sais plus quel mot d'employer, mais on ne parle plus de lui, parce que Jésus a marché sur lui. Je me suis dit, ok, mais marcher, ok, j'ai marché de lui, marché sur lui. Effectivement, il ne faut pas qu'on ait peur de Satan, ok. Mais moi, ça m'a choqué qu'on dise, on ne parle plus de lui. Oui. Parce que ça veut dire que c'est comme si on l'ignorait. Oui. Il est là. Mais il est là, et il va justement régner là en maître, parce qu'on ne parlera plus de lui. Il sera assis avec lui. Peut-être que c'est même lui qui a donné le commandement. Alors, les témoins de Jéhovah sont de l'un des groupes chrétiens qui a mis totalement les Juifs de côté, Israël de côté. Et ils ont pris la place, et chaque partie de l'écriture qui se réfère à Israël, ils prennent cela pour eux. Ils disent Dieu leur donne cela. Jérémie chapitre 31. Nous, après avoir lu Jérémie, si nous allons dans l'île de. Dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Chapitre combien? Chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Nous allons lire les versets 31 à 37. Je crois bien. Voilà. À 38, hein. 31 à 38, c'est bon. Chapitre Jérémie 31. Oui. Verset 31 à 38. On va lire, on va voir donc. C'est que Dieu a dit par rapport à Israël, parce que c'est ça qui fait que les gens ont ignoré tout le dessein de Dieu concernant Israël, particulièrement. Allons-y. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oui. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Mmh. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qui ont violé. Quoi je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Voilà. Ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Voilà. Et donc Dieu compare donc son amour, l'impossible rupture entre lui et son peuple à la loi qu'il a donnée au soleil, le ciel. Je crois que ça se trouve encore dans le livre de ce même Jérémie, chapitre 33, verset 14 à 20, à 23. Il dit clairement que si cette loi s'y vient à cesser, mon amour pour Israël cessera. Oui. C'est vrai que tant que la loi ne cesse pas, Israël ne sera pas rompu devant lui comme une alliance. Et il dit à cause du mal qu'ils ont fait, qu'ils m'ont fait. Donc malgré le mal que Dieu, quand on lit la Bible, on voit effectivement comment Israël a été désobéissant plusieurs fois devant Dieu, au point où le sommet de cette désobéissance a été le rejet de leur propre Messie. Et là, Dieu dit, malgré ces rejets-là, il ne les rejette pas. Donc Israël a une alliance éternelle avec le Seigneur. Parce qu'en fait, l'alliance que Dieu a fait avec Israël n'était pas basée sur l'obéissance. Ce n'était pas basé sur l'obéissance. Et pourquoi Lucifer veut aller s'installer dans la ville que ah, parce que je sais pas, c'est il veut alors je comprends que des fois quand on veut combattre un ennemi on va chez lui, oui, mais bon alors moi parce que bon, en lisant tout ça il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre parce que voilà je maîtrise pas la parole, oui, mais ce que j'ai compris c'est au début j'ai compris qu'en fin de compte nos grands amis là quand ils vont décider de bâtir le bâtiment qui va servir au gouvernement mondial, ils, oui, vont les laisser le construire. Absolument. Mais eux ils vont croire que c'est pour le gouvernement. Oui. Mais en fin de compte, il ne servira pas au gouvernement. Enfin, peut-être il y a une période où il va une extension, servir. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va les laisser faire parce que lui, il veut que ce soit. Enfin, c'est Dieu va s'en servir. Il va s'en sortir. Absolument. Absolument. Et c'est plein là, je ne sais pas comment on va faire. Prenons le chapitre 33, le chapitre 33 de ce même livre-là, versets 14 à 26. Lisons encore ce qu'il dit. Parce qu'il est important qu'on comprenne que Dieu a fait alliance avec Israël. Et que cette alliance n'est pas rompue malgré la vie de leur désobéissance maintenant. Voilà, et puis lorsqu'on aura fini ici, on ira dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Donc, 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses écrits. Au chapitre 33, verset 14 et suivant. Oui. Mmh. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Oui, j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Mmh. Et ces jours, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Mmh. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et ces jours-là, Juda sera sauvé. Oui. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Mmh. Donc ça, c'est le nom du Seigneur Jésus. Mmh. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Mmh. Les sacrificateurs, les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes brûlés de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Mmh. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, mmh, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, mmh, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Mmh. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué que ce que disent ces gens, les deux familles de l'Éternel avaient choisi et il les a rejetés? Et cela, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que les gens font. Il dit, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Il dit que les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Et les gens disent aujourd'hui, non. Dieu a rejeté son peuple, Dieu a rejeté son peuple. Maintenant, Dieu leur répond ici, dans la Bible. En fait, ce n'est pas Dieu qui a rejeté le peuple, c'est le peuple qui a rejeté Dieu. Oui, ouais, en fait, c'est vice-versa. Ils se sont joués le ping-pong entre les deux. Donc, Dieu les a aveuglés, ils les ont rejetés. Ah, c'est ce type-là. Continuons. Ainsi, il méprise mon peuple, oui, au point de ne plus le regarder comme une nation. Et c'est exactement ce qui arrive. Mmh. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Fin de citation. Enfin, Romain. Mais les histoires de rompre avec le jour et de rompre avec la nuit. Mais tu n'as pas bien saisi. Non. Bon, il a de dire que si vous pouvez rompre mon alliance, quand il a créé, dans Genèse chapitre 1, il créa le jour et la nuit. Oui. Il les a séparés. Il a mis une loi que la nuit, c'est la période des noisseurs. Le jour, c'est la période des clarté. Oui. C'est une loi qui va tourner au fur et à mesure. Oui. Et depuis ce moment-là, ce principe-là est respecté. Il dit donc que ce principe qu'il avait établi là, tant que ça reste là, son amour pour Israël ne sera pas changé. Que ces lois-là, si on peut rompre l'alliance entre le jour et la nuit, c'est-à-dire que si on peut faire cesser le jour et la nuit, alors ça veut dire l'amour pour Israël. Enfin, il veut prendre cette hauteur de loi pour montrer à quel niveau, à jamais, il ne peut pas s'éloigner d'Israël. Est-ce que cela peut arriver? Non. Non, ça ne peut pas arriver ça. Par conséquent, l'amour, il ne peut pas se séparer d'Israël. Ce que je me disais, waouh. D'accord. Romains. Le Nouveau Testament, maintenant, nous abordons là-dedans. Et c'est l'un des mystères de la Bible ici. Et chaque fois quand c'est le mystère dans la Bible, ça crée problème. Si tu ne vas pas dans l'Écriture par le Saint-Esprit pour essayer de démêler cela, au vu et au su de tout ce que Dieu a fait avec Israël, et Israël a toujours méprisé Dieu, tu vas tirer la conclusion que Dieu a rejeté Israël. En fait, la preuve en est qu'il n'y a pas plus d'homosexualité au monde qu'en Israël. C'est le plus renégat maintenant sur le plan de l'homosexualité. Au point où quand tu y vas à l'Israël, tu vas avoir comme impression que non. Ça, c'est le peuple de Dieu? Non. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas rejeté son peuple, comme on va voir maintenant. Pourquoi? Parce que l'homosexualité est présente là-bas? C'est terrible parce qu'en réalité, le support, c'est très présent parce que ça, c'est pour attirer l'Antichrist. Jésus avait dit que parce que l'iniquité, ce sera... Oh, je pensais que c'était le... Je ne sais plus quel pays asiatique, là. Le Thaïlande, l'Indonésie, la Thaïlande. Thaïlande, je crois. Où il y a les Philippines. Où ils sont très... Où il y a même les transsexuels et autres. Ouais, il y a même une émission là-dessus. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Et d'accord, putain, je sais pas. Bon, allons-y. C'est dans Romains, chapitre 9. Verset 1. Non, apparemment, prenons partie du verset... Oui, prenons partie du verset 1. Lisons doucement. On va traverser le chapitre 9 des Romains. Je dis la vérité en Christ. Je me sens point. Je ne mens point. Oui. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mais pas selon la chair qui sont israélites. Oui. À qui appartient ne l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là.

dans cette phrase, elle répondit directement. Et tu vois, il explique en chutant au verset chapitre 10, en disant que il s'est laissé trouver chez les païens qui ne cherchaient rien. Mm-hmm. Alors qu'Israël, chaque Dieu tendait les mains, c'est un peuple contradisant et rebelle. Après, subitement, la question est posée. Eh bien, dans ce cas, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Il dit loin de là, ça dit jamais, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Donc, en réalité, Dieu n'a pas rejeté Israël. Israël est dans un processus de travail avec le Seigneur dans son plan de rédemption. Israël, le peuple juif, le peuple d'Israël, est dans un processus de prophétie qui, selon qui est écrit de lui. Parce qu'en fait, à fin de compte, comme on va lire ici, Dieu va encore revenir prendre Israël. Allons-y. On continue dans le oui, chapitre 11. Là. Dans le 11. Oui. Car moi aussi, je suis israélite, mmh. de la postérité d'Abraham, mmh. de la tribu de Benjamin. Oui. Dieu n'a point rejeté son peuple. Je crois que c'est un peu plus clair là maintenant. Connu d'avance. Voilà. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il a dit, il s'agit d'Israël ici. Donc le contexte montre que c'est Israël. Israël, parce qu'il se présente lui-même comme étant israélite. Il veut dire, si Dieu en réalité avait rejeté son peuple, forcément il m'aurait aussi rejeté moi qui suis aussi un israélite. Oui, continuons. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Mm-hmm. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mm-hmm. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je ne me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Mmh. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Oui. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mmh. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Oui. Quoi donc, ce que Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors, c'est bon ici. Ici, c'est très intéressant. L'apôtre Paul disait quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Parce qu'on a dit clairement qu'il cherchait la justification par la loi. Dieu ne lui a pas accordé la justification par la loi. Parce que la justification ne vient pas par les œuvres de la loi, mais par la foi. Mais il dit, mais l'élection l'a obtenu. Dieu, sachant que Israël tomberait sur la pierre d'achoppement, l'a d'avance choisi pour être élu en traversant cette pierre d'achoppement tout en échouant sur cette pierre. C'est terrible comme mystère de Dieu. Et il dit, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, ça veut dire que pendant que Dieu avait choisi Israël, il a laissé les autres dans l'endurcissement parce que les autres peuples n'avaient rien fait pour ne pas recevoir la loi de Dieu. Dieu a aussi choisi un peuple et voici les autres peuples ici. Il avait son attention focalisée sur le peuple d'Israël. Il leur donne la loi, il les dirige, tandis que les autres peuples n'en ont pas. Et il le fait exprès parce que c'est lui qui est le créateur. Il les a créés tous comme Israël, mais il s'est choisi un peuple au travers duquel il va montrer ses lois et ses miséricordes. Verset 25 directement, 25 et 26, on arrête là, parce que c'est long. Si on veut commencer là. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Fin de citation. Donc en fin de compte, il nous explique ici que le but pour lequel Dieu a fait cela, c'était pour sauver les païens. En fin de compte. Donc pourquoi Israël est comme ça, c'est à cause de toi, de la France, des États-Unis, du Cameroun, de toutes les autres nations. C'est à cause de cela que les Israéliens sont comme ça. Voilà. Mais le truc, c'est que ça dure longtemps. Absolument. Oui. Voilà, c'est qu'il y a des générations et des générations. Des générations et des générations. Qui passent. Et on ne fait rien, il fait partie, il a désigné ainsi. Maintenant, moi je vais lire maintenant la suite, puisque tu as posé cette question-là maintenant. Dans la suite, se trouve donc contenu la réponse à ce problème des générations. Il dit, verset 27, « Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. » L'apôtre Paul parle aux païens, dans ceux des autres nations. « Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs frères, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous autrefois, vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc, le verset 25 dit, nous explique que le but, Israël va rester dans cette condition jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le monde entier. Si on prend le globe terrestre, oui. Il y a le spot dans la localité d'Israël et le peuple juif qui s'y trouve. Oui. Ceux-ci sont aimés à cause de leur père. Et la Bible précise que ce n'est pas tous ceux qui sont des nationalités qui sont des gens dont il parle. Ce sont des gens connus d'avant par lui, dans ce peuple-là. Alors tout le reste du peuple qui n'avait pas la loi de Dieu, qui n'était pas aimé de Dieu, Dieu a fait table rase avec Israël, mis une pause sur Israël pour se tourner avec la Bible vers les nations maintenant. C'est pour ça que l'évangile prêché à gauche, prêché à droite, repenté, voilà, ainsi de suite. Lorsque ça sera terminé, le but pour lequel l'évangile est prêché, donc, c'est pour faire venir ceux qui, les brebis qui doivent entrer. Quand ils vont entrer, la totalité, selon que Dieu connaît, comme on a dit de voir ici, il se tournera de nouveau à Israël. Il a dit le libérateur viendra des Sion. On a vu dans Zacharie aujourd'hui qu'il va poser sa main, son pied sur les montagnes des Oliviers. On a vu cela, il va venir à Jérusalem, il va ôter le péché en un seul jour. En ce temps-là, il se focalisera encore sur Israël. Les nations seront en désordre. Tous se tourneront encore vers Jérusalem pour vivre cela. Ce sont les mystères de Dieu là maintenant. Alors, en fin de compte, Jérusalem est l'objet de l'affection parce que c'est l'amour de Dieu. Et c'est là où il a pris pour résidence. On appelle Jérusalem la ville du grand roi. Jésus lui-même en personne avait dit, ne jurez même pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc on ne doit pas dire, ne te jure pas Jérusalem. Tu ne dois pas le faire. Parce que c'est la ville du grand roi. Et c'est lui le grand roi. Parce qu'il va régner à Jérusalem, à partir de Jérusalem. Donc Jérusalem, en réalité, le centre du monde n'est pas là. Le trait qui passe dans l'équateur, en passant par la croûte terrestre pour sortir d'abord au nord, au pôle nord, non. C'est pas le centre du monde, d'après Dieu, se trouve en Israël. C'est Israël qui est le centre du monde. Donc, c'est le problème. Et il appelle Israël, dans Daniel chapitre 7, le plus beau des pays. Si tu regardes la description, les oasis, les montagnes vertes, ainsi de suite, tu vas regarder New York, tu vas dire la Suisse est belle. Mais tu regardes Israël, ce sont des débris de montagnes, de bombardements. Mais Dieu appelle ça le plus beau de tous les pays. La question c'est, qu'est-ce qu'il appelle dans ce pays-là par beauté? Qu'est-ce qui fait du bien à Dieu dans ce pays-là, au point qu'il appelle que c'est son pays, le plus beau de tous les pays? Et paradoxalement, Satan également désire ce pays. Par exemple, Satan s'attendra à ce qu'il parte à Washington d'ici. Qu'est-ce qu'il parte à Washington, il s'assoit à la Maison Blanche tranquillement, il laisse les gens tranquilles. Mais il laisse les États-Unis, il laisse New York, il laisse Paris, il se tourne aussi vers Israël où il y a les débris de construction. Pourquoi? Parce que là où Dieu veut être, Satan veut y être. Il veut aller s'asseoir. Parce que la dernière fois, nous avons lu dans Ésaïe 14, il a dit, tu disais en ton cœur, je monterai sur les sommets de montagne, je serai semblable au très haut. C'est ce qu'il avait dit dans son cœur. Parce que l'objet de l'adoration, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Il veut que les gens viennent l'adorer comme on adore Dieu. C'est pour cela que pour les païens, ceux qui sont en boîte de nuit, ils ne les dérangent pas. Ils dérangent les gens en milieu lorsqu'on invoque le nom du Seigneur. C'est là où il n'est pas adoré. Il veut l'adoration parce qu'il veut que cette personne-ci donne son adoration. Parce que tous ceux qui sont dehors, qui ne lisent pas la Bible, sont déjà acquis pour lui. Donc, mais là où il veut l'adoration, c'est ceux qui ne l'adorent pas et qui adorent le Seigneur. Donc, il veut donc que cette personne-ci lui remette son adoration. Et par conséquent, il peut donc susciter des fausses doctrines, comme la Bible le dit, susciter des fausses croyances pour pousser les gens en. Quand tu crois en cette croyance-là, c'est à lui que tu as de t'adresser. Prenons un dernier passage maintenant, de Timothée. Pourquoi il fait cela? Timothée. De Timothée. C'est un ou deux? De Timothée. Donc, on va lire deux passages là, dans un côté de Timothée. Bon, regardons le verset chapitre 4 du 2 Timothée. Le chapitre 4 du 2 Timothée. Le verset 2 à 5. Je prends tout simplement ça pour montrer que au milieu chrétien, donc, se trouvent dans les choses concoctées dans le monde des ténèbres. Utiliser cela, dès que ces choses sont imposées aux croyants, les croyants adorent Satan en appelant le nom de Dieu. Allons-y. Le lieu, il commence à quoi? Prêche. Ah, d'accord. Comme il n'y a pas de point, c'est pour ça. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. Donc nous voyons effectivement comment il a averti que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont désirer qu'on les enseigne selon leur propre désir. Donc dans l'église, on va voir les gens qui vont s'asseoir, ne voudront pas la sainte doctrine. Qu'on leur enseigne ce que la parole dit. Mais ils souhaiteraient qu'on leur dise, oh, tu seras riche, oui. Tu auras le visa, ton mariage, tu vas avoir ton mariage. Et on dit clairement, c'est écrit dans la Bible, qu'ils vont faire ça. Oh, ces personnes, quand ça existe, ça. Oui, ça existe. Quand en Afrique, il faut se promener en Afrique dans les églises, tu vas voir les choses. Lorsque ces personnes-là invoquent, quand on chante le nom de Dieu, ils chantent, ils sont, mais la pratique, la vie, ils ont été séduits. On dit, détourneront leur foi de la vérité et suivront les fables. Dernier chapitre, dans 1 Timothée cette fois-ci. 1 Timothée, chapitre 4 encore, les deux premiers versets. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est bon. Donc on dit clairement là que l'Esprit dit de façon expresse que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc les démons vont prescrire les enseignements qu'on doit enseigner en milieu chrétien. N'est-ce pas terrible? Oui. Et là, il dit par l'hypocrisie des faux docteurs. Les docteurs sont les enseignants. Dans le milieu chrétien, c'est tous les docteurs envoyés par les démons, enseignant les enseignants. Docteur, c'est tout ce qui est pasteur. Absolument. Absolument. Absolument. Alors que Dieu te bénisse.